Merci d'écouter la plus normande des radios. Très bonne fête de fin d'année. Il est tout pile 18h en Normandie comme en Picardie. Et c'est l'actu. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Un nouveau terrible record a été franchi le 1er décembre 2018, écrit l'Observatoire international des prisons sur Twitter. Au total, les prisons françaises comptent désormais 71 061 détenus. Précise l'OIP aujourd'hui, 22 890 sont dans des prisons occupées à plus de 150%, ajoute l'Observatoire. L'OIP veut alerter sur les conditions de détention en France, citant les chiffres de la direction de l'administration pénitentiaire. 1506 détenus dorment par terre et le taux d'encellulement individuel est de 40%. Alors que c'est un droit inscrit dans la loi française depuis 1875. Dans un communiqué, l'ancien collaborateur du président de la République, Alexandre Benalla, dénonce des propos diffamatoires de certaines personnes de l'Élysée après les révélations de presse sur un récent voyage au Tchad qui a précédé de quelques jours celui d'Emmanuel Macron. Quelles que soient les démarches qu'entreprend M. Benalla, il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République, avait réagi l'Élysée. L'ancien chargé de mission a lui déclaré être allé au Tchad accompagnant une délégation économique étrangère dans le cadre d'investissements. Lancé le 17 novembre dernier, le mouvement des Gilets jaunes fait des dégâts chez les commerçants français. Selon la Fédération du commerce et de la distribution et le Conseil national des centres commerciaux, le manque à gagner s'élève à au moins 2 milliards d'euros pour les commerçants. Un bilan plus précis devrait être dévoilé en début d'année 2019. 43 000 salariés ont été touchés par du chômage partiel en raison des blocages. L'État a versé 70% de leur salaire, soit 28 millions d'euros. L'association Férus en charge de la protection et conservation des grands prédateurs assure aujourd'hui que de nouveaux lâchers d'ours sont indispensables afin d'assurer à long terme la viabilité de la population encore trop petite dans le massif pyrénéen. Deux ours, Claverina et Soeta, qui pourraient donner naissance à des petits en 2019, ont été lâchés en octobre dans les Pyrénées-Atlantiques afin de sauvegarder l'espèce menacée d'extinction en France. Pour l'association, la sécurité totale des ours n'est pas assurée à cause d'une minorité d'anti-ours toujours violente. Enfin, pour les amateurs de football, Noël continue. Comme chaque année, depuis plus de 100 ans, le championnat anglais ne prend pas de vacances et se poursuit à un rythme effréné qui commence aujourd'hui avec le traditionnel Boxing Day, férié dans de nombreux pays anglo-saxons. Sur la plus normande des radios, et dans la Gueuroinaise, comme partout en Normandie, nouvelle heure, nouveau son et nouveau tube avec Martin Garrix et Dreamer. Espace, plus de son, plus de tubes. A dreamer, don't tell me not to dream. I got freedom, and that's everything to me. It don't matter what I've got or where I go. I find shelter a million miles from home. It ain't easy to keep going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer. So don't tell me not to dream. I'm a believer. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in.

is here. Guetta, Martin Garrix et Brooks, c'était Like I Do, comme ça sur Espace en plein cœur des Andes, comme partout en Normandie. Il est 18h18. Nous sommes le mercredi 26 décembre, mais le mercredi c'est les sorties ciné. On fait un point tout de suite sur tous les bons plans ciné de cette semaine. Et Camélia Cabello, Yuntag, Havana, ça débarque dans quelques instants. On se calera un petit Eagles avec Hotel California. Tout de suite les amis. Espace en Normandie, dans vos salles en Normandie. Bienvenue, voici nos dernières sorties 2018 pour cette semaine. On débute tout d'abord avec de l'aventure et de l'action avec Bumblebee et un film familial bourré d'aventure avec Mia et le Lion Blanc. Espace. Et on débute avec Bumblebee, réalisé par Travis Knight avec Ellie Stenfeld, John Cena et George Lenborg Jr. Et tu sais pas d'où il sort ? Vraiment pas ? Vraiment pas. 1987, alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert brisé et couvert de blessures de guerre par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Une guerre fait rage sur notre planète. Si on ne retrouve pas ce criminel, notre guerre deviendra la vôtre. Y a pas quelqu'un qui peut t'aider ? T'as une famille ? Qui, moi ? Voilà, retrouvez Bumblebee aujourd'hui dans tous les bons cinémas de Normandie. Espace. Et maintenant, passons avec Mia et le Lion Blanc de Gilles Demaître avec Dania De Villiers, Mélanie Laurent et Langley Kirkwood. Regarde, Mia, tous ces animaux fabuleux. T'es consciente de la chance que t'as de vivre ici ? Mais je veux pas vivre ici. On est là que depuis un mois. Elle a besoin d'un peu de temps. Un lion blanc est né dans notre ferme. Tu savais comme je m'en tape de ton pauvre lionceau. J'ai pas besoin d'un ami. Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frères et sœurs et deviennent vite inséparables. 3 ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme. Son père vend des lions à des chasseurs de trophées. Elle est enfin heureuse. Mia, ça reste un animal sauvage et maintenant il ne quitte plus son enclos. Il doit partir. Papa, je ferai tout ce que tu veux. Trop tard, c'est terminé. Il sera vendu au premier acheteur qui se présentera. Je vais t'emmener à la réserve. Viens, mon grand. Et tu seras libre. Mia a disparu. Je te jure, je vais la retrouver. On résume notre sélection pour cette semaine. Tout d'abord, Bumblebee et enfin, Mia et le Lion Blanc. Bonne toile et bon ciné en Normandie avec Espace. Tour des tubes. Écoutez ça. Getting moolah, baby. Havana, ooh, na-na. Hey. place les meilleurs souvenirs. Il est 18h et 24 minutes, quasiment 25. Vous êtes sur Espace dans moins de 5 minutes. Maintenant, on va faire un point sur l'actualité locale et régionale avec le flash de la rédac d'Espace. Tout tranquillement, comme ça, je vous l'avais promis, un petit Eagles et Hotel California. Bonne journée, bonnes vacances de fin d'année. Et en tout cas, merci d'être à l'écoute d'Espace. We'll be right back. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Des gilets jaunes se sont de nouveau mobilisés aujourd'hui sur des ronds-points, celui des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, celui du Zénith à Grand-Queville ou encore d'autres à Octeville et Dieppe. Il avait accueilli Daniel Picouli, Laurent Deutsch ou encore Natacha Apolloni, mais dans un contexte budgétaire contraint et à la recherche d'économies, la ville d'Évreux a décidé d'annuler en mars prochain la prochaine édition de son salon Actu et Histoire. Le budget de cet événement, dont l'entrée était gratuite, était d'environ 60 000 euros pour une fréquentation estimée à 3 000 visiteurs. Insuffisant donc pour l'événement culturel créé en 2016 et qui tentait d'expliquer la société d'aujourd'hui à travers le prisme de l'histoire. Après une dispute avec sa compagne, un homme a été interpellé chez lui à Boissé-le-Châtel la nuit dernière. Le quadragénaire a tout d'abord frappé sa concubine avant de tirer des coups de feu en l'air. La femme a pris la fuite. Plusieurs unités de la gendarmerie ont été dépêchées sur les lieux où un périmètre a été établi. L'homme a accepté de se rendre après négociation. Il a été placé en garde à vue. Un habitant de Montivilliers a été interpellé hier matin après avoir porté deux coups de couteau à un jeune homme de 19 ans dans la nuit du réveillon. La victime et un de ses amis buvaient et fumaient dans un garage qui appartenait à l'agresseur. L'homme leur a demandé tout d'abord de partir. Les deux jeunes se sont exécutés, mais plus tard dans la soirée, les trois protagonistes se sont recroisés et le propriétaire du garage a attaqué à l'arme blanche. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. L'agresseur a été retrouvé et placé en garde à vue. À Pont-Audemer, hier soir, un incendie s'est déclaré dans les caves d'un immeuble de 3 étages qui compte 24 logements. Une quinzaine de personnes ont été évacuées, 8 personnes ont dû être relogées. Le feu a fait 3 blessés légers qui ont inhalé de la fumée. Devenir propriétaire de son supermarché, ce sera bientôt possible à Dieppe, Alexandre Lénaud. Grâce à l'association La Serre Citoyenne qui planche depuis maintenant un an sur un projet de supermarché collaboratif. Objectif, se réapproprier nos modes de consommation, selon Frédéric Gerbert, présidente de l'association. Le but, c'est pas de s'enrichir. On veut une redistribution d'une partie seulement de l'émissive que si la personne, par exemple, a consommé dans le supermarché en fonction de l'euro que la personne aurait consommé. Et en plus, on s'engage à ce que la plus grande partie des bénéfices soit reversée sur le territoire pour pouvoir favoriser le développement de nouvelles structures qui appliqueraient, si possible, le même modèle que nous. L'association a déjà imaginé son modèle économique. Pour devenir actionnaire, une personne seule devra injecter une part sociale de 150 euros et le double pour une famille. À travers cette réappropriation s'exprime aussi l'exigence de la transparence pour le consommateur basée sur le développement durable et le circuit court. La transparence, ça va être très certainement des vignettes de couleur. Ils vont dire, voilà, ce produit, il vient de tel endroit, donc ça génère tel impact carbone, il a été produit de telle façon, qu'on fait alimentaire et non alimentaire, parce que le but, c'est quand même de se mettre en concurrence avec la grande distribution. La Serre Citoyenne à Dieppe espère avoir au moins 500 futurs contributeurs pour ce supermarché collaboratif. Ouverture prévue fin 2019. Et puis en hockey sur glace, à Rouen se déplace ce soir à Lyon. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, toujours du soleil, mais plus voilé. Le thermomètre à 3 degrés seulement dans l'après-midi sur Gisors, 4 degrés sur Beauvais, Gournay ou encore Forges-les-Eaux, Louviers, Les Andelys et Le Neubourg, 5 degrés sur Vernon, Rouen et Bernay, et 6 degrés à Brionne et Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Il est 18h34, retour des sons les tubes sur Espace. Voici les Clean Bandits et Demi Lovato, c'est solo. I wanna fool, but I'm broken hearted. Cry, cry, cry since the day. solo. Normande des radios. Pardonne-moi le fait que le verbe n'est moyen lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec toi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises? Que l'on officialise toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises? Que l'on officialise toi et moi. Le son de Kinvé et tu réalises comme ça sur Espace. Il est 18h41 à Danville comme partout en Normandie. Merci d'être avec nous les amis. Bonne journée tout le monde. On va marquer une courte pause. Restez bien branchés, je suis un petit peu à la bourre. C'est la pub FDVM. Dans quelques instants, Till the Songs Come Up. Ça débarque juste après la pub. A tout de suite les amis, bougez plus. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, Loué ou Saint-Sevé est à 9,49 euros le kilo, avec en plus 6 euros en avantage carte par chapon. Intermarché Louviers, centre commercial Le Becquet, ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Normandie pièces d'origine. Votre grossiste local distribue toutes vos pièces auto au même prix qu'Internet. Batterie à 1 euro l'ampère. Les filtres, les huiles Eagle ou Motul. Le freinage, l'échappement à prix de ouf. Gros stock en agence ou livraison deux fois par jour pour le pro et les particuliers. Nouveau, service par brise. Nous le changeons et payons votre franchise jusqu'à 120 euros. Profitez aussi de la vidange à 55 euros. Retrouvez-nous sur notre agence de Gaillon, Passy et de Fleury, voire conditions en magasin. Normandie pièces d'origine. Votre grossiste local distribue toutes vos pièces auto au même prix qu'Internet. LGM, le garage Mendes à Pont-Audemer. Notre équipe s'occupe de la réparation, l'entretien et la révision de votre voiture, véhicule utilitaire et camping-car, quelle que soit sa marque. LGM à Pont-Audemer, près de Mondial Pare-brise. Véhicule de prêt et de location à disposition. Monsieur Récup, transport, déménagement, débarras dans toute la Normandie. Devis gratuit, 06 20 10 11 64. www.monsieurrécup.fr. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. La ville des Andelys et l'Office de la culture et des loisirs des Andelys vous invitent à passer Noël aux Caraïbes. Chaussez vos patins et profitez d'une patinoire de 175 mètres carrés pour vos acrobaties et prouesses artistiques. Les bénévoles vous accueillent sous un chapiteau chauffé du 21 décembre au 6 janvier. Programme des festivités, vendredi 21 décembre à 18h. Rassemblement à la collégiale suivi d'un défilé et d'une animation couleur Caraïbes. Un marché de Noël vous sera proposé du vendredi 21 décembre au dimanche 23 décembre, samedi 5 janvier à 18h30, spectacle de clôture. C'est Noël aux Caraïbes aux Andelys, avec l'Ocla et Espace. La plus normande des radios, Espace Radio. We can hear it calling, calling to our hearts. Let's get out of here. Light another fire, let us sing till the sun comes up. Till the sun comes up. Till the sun comes up. Oh, feeling warm, so let us swim till the sun comes up. Till the sun comes up. Hop, à l'instant sur la plus normande des radios FDVM featuring Jack pour vous accompagner comme ça. Il est 18h46, j'espère que vous allez bien. On marque une courte pause, on parle des heures supplémentaires tout de suite sur la plus normande des radios. Juste après, je vous casse le son de Boosty avec My American Dream et le programme télé de ce mercredi soir. Bougez plus les amis. Espace, les avocats vous conseillent.

Salut à tous, nous sommes le mercredi 26 décembre. Alors que certains d'entre vous ont encore mal aux cheveux, bah oui, ça va durer toute la journée comme ça. Hein. Fallait pas abuser, maintenant faut assumer. Hein. Je suis là, moi, comme chaque jour, et en pleine forme pour vous parler du programme télé. Ce soir, sur TF1, coup de foudre à Jaipur, un téléfilm sentimental avec Ryan Bensetti. Eh, le gars, il s'est tapé Madonna, quoi. Là, il y a du level, hein. Il s'est pas tapé Ginette Chombier, non. Eh, le gars, il a emmené le petit au cirque avec Madonna. Eh bon, sinon, c'est l'histoire d'une avocate parisienne qui s'envole pour les Indes. Elle doit rencontrer son futur époux. Bon, comme ça, ça n'a pas l'air super intéressant, mais il va se passer forcément plein de trucs. France 2, Mystère, Place Vendôme, c'est une rediff, donc on passe vite à la suite. 22h40, un documentaire sur l'hôtel Le Crayon à Paris, la renaissance d'un palace. Donc là, c'est luxe à gogo. France 3, Maria Callas, une vie d'opéra. Bon, bah là, ça va chanter très fort. Hein. Canal, Paddington 2. Allez hop, c'est un inédit, je vais regarder ça avec le mini moi. Bah ouais, l'autre soir, on s'est fait l'âge de glace, il a bien rigolé, donc ce soir c'est Paddington. Arte, cirque à gogo ce soir avec le 39e festival mondial du cirque de demain. 22h25, le cirque du soleil, c'est un magnifique spectacle. Si vous ne connaissez pas, regardez, vous ne serez pas déçus. M6, Eric Antoine est en prime avec Tous les vœux sont permis avec Eric Antoine. À mon avis, connaissant un petit peu Arthur, il va gueuler en disant hey, salut, c'est Arthur, dis donc, là t'aurais pas pitié le nom de mon émission, c'est vraiment dégueulasse quoi. Ouais, salut, c'est Arthur. Le meilleur de la TNT, c'est 8. La magie de Disney, c'est un inédit. W9, une émission de télé-réalité perdue au milieu de nulle part. Bah, qu'ils y restent, hein, parce que moi, j'ai autant envie de regarder ça que de me faire une prise de sang. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Les meilleurs souvenirs sont forcément sur Espace.

Russie au large de la péninsule de Crimée annexée par Moscou. La loi martiale s'appliquait à certaines régions d'Ukraine depuis la capture par la marine russe de 3 bâtiments de guerre ukrainiens et de leur équipage dans le détroit de Kerch entre la Crimée et le sud de la Russie qui contrôle l'accès à la mer d'Azov. Enfin, le Boxing Day a tenu toutes ses promesses. La 19e journée de Premier League qui se tient traditionnellement le lendemain de Noël a donné lieu à plusieurs matchs spectaculaires. Liverpool a conforté sa place de leader en s'imposant contre Newcastle et en profitant des déboires de Manchester City défait par Leicester et réduit à 10 en fin de match. Sur la plus normande des radios, Dorian. Retour au taf aujourd'hui un peu compliqué après Noël, alors on se détend maintenant dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et l'afterwork de ce mercredi soir commence avec Meghan Trainor et Sean Paul et DJ. Passez une très belle soirée. The DJ plays our song so you can find me and dance behind me. You love how I dip and wind. With you it happens every time. My body's lonely for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'ma drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. I wanna dance with you all night. Only me, give the girl love properly. Only me, give the girl love it endlessly. We give her all of me energy. So me's a DJ, turn off the sound, make sure move her body. Only me, give the girl love properly. Only me, give the girl love it endlessly. Hey DJ. On traîne dans la ville, on se racontant nos vies. S'imaginant riche, main dans nos poches vides. On rêve le jour et on vit la nuit. Hey. Let us die young, don't let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Standing in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Qualité avant quantité. Une vie sans galère, c'est compliqué. On est identique, c'est notre identité. Notre âme est seule dans une immensité. Je ne comprends pas, mais je ne me contente pas de ce que je vois, yeah. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever? And

Allô Bastille, Happy Hour sur Espace dans l'afterwork de ce mercredi soir. Passez une très très belle soirée, bon retour chez vous. Après cette longue journée de taf un peu compliquée, évidemment la fatigue s'est accumulée après les repas de Noël. Et puis dire que la semaine prochaine c'est encore la même pour le jour de l'an. Ah, on adore ça. Et puis vous avez rendez-vous jusqu'au 30 décembre du côté de Beaumont-le-Roger pour les lutins à la fabrique de Larry, une expo et vente de Noël. Déjà 19h18. Reste dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Belle fête à vous. Et on retrouve maintenant Pierre qui a gagné son cadeau avec le Père Noël Espace. C'était dans l'After School. Oui, allô ? Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, c'est vous ? Pas mal, merci monsieur. Vous habitez au pied du Château Gaillard, d'après mes infos ? Oui. D'accord, tu habites près du château ou un peu loin quand même ? Un peu loin, mais c'est pas beaucoup de temps. Genre tu vas à pied ou il faut prendre le vélo ? Ouais, vélo, plus vélo, ouais. D'accord, donc t'habites les Andelys en clair, pour ceux qui ne connaissent pas Château Gaillard. Ton prénom, c'est comment ? C'est Pierre. Pierre, tu as quel âge ? J'ai 12 ans et je vais bientôt avoir 13 ans. Donc on dit 13, en fait, ça fait mieux. Oui. Ça fait genre plus vieux, quoi. T'es en quelle classe ? Je suis en 5e. En 5e, donc à Rosa Parks ou à Godot ? Oui, à Rosa Parks. Parce qu'il y a deux collèges, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les Andelys. Voilà, moi je connais bien cette ville. Pour avoir été à l'époque, mais c'était le siècle dernier, en 1904, je suis allé au collège Jean Moulin. Ah. Ça n'existe plus, en fait. Non. Il ne reste que le lycée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Apparemment, je me suis fait un peu gauler, mais c'est pas grave. En même temps, je suis habitué. Qui t'appelle en mode radio ? C'est Ludo d'Espace. Bon, bah écoute, cadeau pour toi, garçon, en te souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année. Tu m'as laissé un super beau message, entre parenthèses, sur le répondeur. Je n'ai pas eu le temps de le diffuser cette semaine, mais il était très très sympa, ton message. Bah, merci, en tout cas. Bah, de rien, avec plaisir. Alors, tu as le choix entre soit un pack casque audio plus enceinte connectée, ou bien une tour de son. Bon, le pack casque audio. Bon, mais d'accord. Tu m'as l'air tout sage comme garçon. Bah oui. Tu peux me passer tes parents s'ils sont là ? Je pense qu'ils ont peut-être un avis différent, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'es tout seul dans la famille ? T'as des frères et sœurs ? Oui, j'ai un frère. Vous vous tapez souvent ? Non. Non ? Vous vous insultez souvent ? Pas trop. Ah, j'aime bien le « pas trop » en fait, c'est-à-dire que ça insulte parfois quand même. Un petit peu. D'accord. La dernière fois où vous vous êtes clashés tous les deux, c'était quand et pourquoi ? Je sais plus trop. D'accord. Non. Vous n'êtes pas clashé, pardon, de l'année 2018 ? Si, un petit peu, mais je sais plus quand, ça fait assez longtemps. Et la plus grosse bêtise que vous ayez fait tous les deux, c'est quoi ? Je sais plus non plus. Pas fait de bêtises. Ah oui, si. Prendre le téléphone de là-haut. Prendre le téléphone de là-haut, c'est-à-dire pendant la nuit, quoi. Ah oui, d'accord, oui. Donc les parents, genre en mode... Voilà, exactement. Et vous, en mode mes snaps, en mode téléphone, en mode SMS. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, à 12 ans ouais. Vous n'êtes pas fait gauler ? Non. Enfin, après, oui, mais vraiment. Parce que je vous rappelle, les garçons, les darons sont très très vieux, ce sont des dinosaures, mais quand tu prends le téléphone, en fait, il y a un historique dedans, donc forcément, vous vous faites gauler. Ouais. Ok mon Pierrot, bah, écoute, très belle fête de fin d'année à toi. On t'offre. Bah, merci beaucoup. On t'offre donc ce cadeau, ce double cadeau en fait, entre une enceinte avec une enceinte connectée et son casque audio de couleur espace. Toi t'as le pack blanc ou le pack rouge, enfin je sais plus lequel il nous reste, mais c'est pour toi. Ok, bah merci. Bah de rien, avec plaisir, et à bientôt. Ouais, à bientôt. Et bonne fête encore une fois. Ouais, bah vous aussi. Merci beaucoup, j'adore le vous, hein, c'est toujours très classe. Hein. Je veux me dire tu, hein. D'accord. À bientôt, salut. À bientôt. Ciao. 17h-19h. Ludo à la radio. Espace. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself. Times I fear myself. Chaque fois que se croisent nos regards, des journées à se raconter toutes nos histoires. Et même si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi. Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça. Jamais sans toi, I'm happy to have you. avec toi tout est plus facile. Y'a des hauts, y'a des bas, mais surtout il y a toi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu seras toujours là. Deuxième de l'Eurovision Junior grâce à ce morceau-là. Merci Angelina, elle a tout juste 12 ans et un talent d'exception. Jamais sans toi dans l'Afterwork. Belle soirée, déjà 19h28. Comme d'hab, soyez prudents sur les routes. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. Et je vous rappelle que vendredi soir, entre 19h et 21h, j'aurai le plaisir de vous retrouver en direct avec Louis et Mickaël pour l'Open Show 4, spécial fête de fin d'année. On parlera de vos cadeaux, du réveillon, du jour de l'an qui approche et le Père Noël sera là pour vous offrir plein de cadeaux. On compte sur vous. Voici Roméo et Juliette, aimés en mode souvenir sur Espace. Bonne soirée. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un vent. Que l'on affectionne tout particulièrement, Roméo et Juliette, aimés sur Espace dans l'Afterwork du mercredi. Bon courage à ceux qui taffent ce soir et cette nuit et n'hésitez pas comme d'hab à nous laisser vos messages au 0 950 35 50 50. Déjà 19h31, l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Des gilets jaunes se sont de nouveau mobilisés aujourd'hui sur des ronds-points, celui des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, celui du Zénith à Grand-Queville ou encore d'autres à Octeville et Dieppe. Il avait accueilli Daniel Picouli, Laurent Deutsch ou encore Natacha Polony, mais dans un contexte budgétaire contraint et à la recherche d'économies, la ville d'Évreux a décidé d'annuler en mars prochain la prochaine édition de son salon Actu et Histoire. Le budget de cet événement, dont l'entrée était gratuite, était d'environ 60 000 euros pour une fréquentation estimée à 3 000 visiteurs. Insuffisant donc pour l'événement culturel créé en 2016 et qui tentait d'expliquer la société d'aujourd'hui à travers le prisme de l'histoire. Après une dispute avec sa compagne, un homme a été interpellé chez lui à Boissé-le-Châtel la nuit dernière. Le quadragénaire a tout d'abord frappé sa concubine avant de tirer des coups de feu en l'air. La femme a pris la fuite. Plusieurs unités de la gendarmerie ont été dépêchées sur les lieux où un périmètre a été établi. L'homme a accepté de se rendre après une négociation. Il a été placé en garde à vue. À Pont-Audemer, hier soir, un incendie s'est déclaré dans les caves d'un immeuble de 3 étages qui compte 24 logements. Une quinzaine de personnes ont été évacuées, 8 personnes ont dû être relogées. Le feu a fait 3 blessés légers qui ont inhalé de la fumée. L'avenir du projet de zone d'aménagement concertée à Bourneville-Sainte-Croix semble incertain. En effet, les fouilles archéologiques ont permis de retrouver des vestiges allant de 4000 ans avant Jésus-Christ au Moyen-Âge. Ces découvertes pourraient retarder, voire anéantir, la création de ce parc d'activités situé stratégiquement autour de l'échangeur de Bourneville-Sainte-Croix. Les résultats des fouilles complémentaires sont attendus pour janvier. L'objectif de cette ZAC est de développer un pôle économique fort entre Le Havre et Rouen et d'offrir, dans un délai de 3 ans, de nouvelles opportunité d'implantation aux entreprises autour du nouvel échangeur autoroutier qui devrait être mis en service en 2020. Vous n'avez pas eu les baskets de vos rêves pour Noël, pourquoi ne pas donner un coup de jeune à vos anciennes sneakers? Depuis quelques mois, en centre-ville d'Évreux, Sébastien Diatta, dans sa boutique Netshoes, nettoie, rénove et customise vos baskets fétiches. Je suis un grand fan de sneakers déjà depuis tout jeune. J'ai même chez moi plus d'une quarantaine de paires de chaussures, soit des éditions limitées ou soit des paires actuelles. Et j'adore les baskets, donc voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler une basket, soit de la nettoyer, soit de la customiser. Ça veut dire personnaliser sa chaussure, c'est-à-dire à partir du moment où vous modifiez soit la couleur, vous apportez une touche personnelle, soit le prénom ou une image, un manga, le logo d'un club de foot. 60% de la population porterait des baskets, les jeunes customisent leurs sneakers et les trentenaires rafraîchissent leurs baskets vintage. Sébastien Diatta rénove une vingtaine de paires par semaine. Avec un bénéfice économique et écologique, la demande est croissante. Aujourd'hui, une paire de chaussures coûte tellement cher, il faut compter entre 80 et 100 euros. À partir du moment où on est bien, on a envie tout simplement de ne pas les jeter. On essaye, au niveau de la rénovation, que le prix ne dépasse pas les 50% du prix initial de la chaussure. Et écologique, parce que j'utilise vraiment des produits bio qui ne sont pas nocifs pour la basket, c'est vraiment des produits à base d'huile. Comptez 35 euros maximum pour une recoloration complète et c'est reparti pour 2 ans, selon Sébastien Diatta. Et puis en sport, en hockey sur glace, pour le compte de la 26e journée de Ligue Magnus, les Dragons de Rouen se déplacent ce soir à Lyon. À présent, un point sur la météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, toujours du soleil, mais plus voilé. Le thermomètre à 3 degrés seulement dans l'après-midi sur Gisors, 4 degrés sur Beauvais, Gournay ou encore Forges-les-Eaux, Louviers, Les Andelys et Le Neubourg, 5 degrés sur Vernon, Rouen et Bernay et 6 degrés à Brionne et Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Eh bien, depuis 3 jours, on peut dire que c'est vraiment Noël puisque les températures de saison sont de retour. Merci Eric, à tout à l'heure et couvrez-vous. 19h35, nouvelle demi-heure avec Benny Blanco, Calvin Harris, I Found You. If I don't know how to move, I cannot say what I believe in. If I only believe in you, I travel many roads, but I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you, I found you,

C'est nouveau. C'est nouveau. Espace Radio. I thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. My eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things, you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try. Away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things, you've only dreamed. Prog Espace, vous l'entendez en exclusivité dans l'Afterwork depuis lundi soir. C'était Dido avec Fouens en Normandie, en Picardie, aux Andelys ou encore à Forges-les-Eaux. Passez encore une fois une très belle soirée. Soyez prudents sur les routes et j'espère que le Père Noël vous a gâté cette année. Dites-nous ce qu'il vous a ramené sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. 19h50, on retrouve tout de suite Jennifer Delouvier qui a gagné son cadeau avec le Père Noël Espace. C'était la semaine dernière. Oui, allô. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? J'adore la voix déjà, le bonjour me plaît carrément trop bien. Je crois que j'appelle quelqu'un qui habite à Louviers, c'est ça? Oui. Ouais. T'habites à Louviers ou tu bosses à Louviers? Parce que j'ai pas bien compris le message en fait. J'habite à Louviers. D'accord. Alors la question elle est très très simple. Qui t'appelle en mode radio? C'est Ludo sur Espace. Eh bien voilà, c'est cadeau pour toi. Super. Voilà voilà. Alors j'ai une question à te poser. D'abord, est-ce que tu es célibataire? Il me faut tes mensurations, ton adresse, ton numéro de mobile. Tout ça. Le mec, tu vas. Je suis mariée. Ah, ça casse l'ambiance directe. Voilà. Et tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Des enfants ou pas encore? Non, pas encore. Ah, tu bosses dans quel domaine? Je suis animatrice. Donc en fait, tu n'as pas encore d'enfants toi, perso, mais en fait, tu connais bien l'univers des enfants. Exactement, oui. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, on va t'offrir un beau cadeau, une tour de son pour mettre chez toi grâce au Père Noël Espace. Génial. Voilà. Merci beaucoup, Espace. Bah, de rien. Et puis, je vais rajouter un casque audio en plus. Super, merci. Puisque vous êtes jeunes et en couple tous les deux, le casque audio, ce sera offert à ton copain, à ton mari, pardon, parce que tu es marié. Oui. D'accord. Très bien, moi, il va être très heureux. Écoute, voilà, cadeau pour tous les deux. Donc, tour de son pour toi, pas de bagarre, et puis casque audio pour lui. C'est comment son prénom? Gilles. Gilles. Bon, ben, tu l'embrasseras pour nous, évidemment.

C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Vers 57 sur Espace, bonne soirée et soyez prudents sur les routes, que vous soyez sur l'autoroute ou même en ville, il faut faire attention et désigner son SAM si vous sortez. Alors, les marchés de Noël se poursuivent notamment du côté d'Honfleur et de Rouen jusqu'au 6 janvier, voici Maria Carré, Santa Claus is Coming to Town, joyeuse fête.